Les petites histoires de Tell Me. Perdue dans la forêt, Charlotte. C'est le début des vacances et il fait encore un peu doux. Charlotte, la jeune hippopotame, prend bien soin de ne pas trop traîner dans les pattes de ses parents. Il faut dire que chez les Holmes, on profite des vacances pour retaper la vieille bicoque familiale et que tous les bras potelés sont mis à contribution. Charlotte, elle, préfère utiliser ses méninges. C'est un mot rigolo qu'utilise son papy pour dire son cerveau. D'ailleurs, c'est de lui qu'elle tient le remue-méninge, une drôle de casquette d'enquêtrice à carreaux. Lorsque Charlotte la coiffe, elle vit des aventures extraordinaires. Ça loupe jamais. Ça loupe ! Elle a failli l'oublier. C'est très utile pour trouver des indices. Les aventures, ça se vit pas sur la pelouse toute bien taillée de la maison. Ça se trouve en forêt. Alors qu'elle s'enfonce dans les bois, Charlotte ouvre grand les yeux et même si les moucherons ont tendance à s'y coller, c'est rudement malin pour repérer les détails qui se cachent. Et justement, un drôle de détail apparaît sous le nez de Charlotte. Les buissons sont tout pelés et des poignées de feuilles sont étalées tout autour. Elle y regarde de plus près. Ouille ! Trop près. C'est un buisson qui pique, du genre Kypicus kypicus feuillus. Les feuilles ont pris un bon coup de bâton. Il y a eu une bagarre ici. Charlotte en mettrait sa patte à couper. Elle a trouvé son aventure. C'est le début de son enquête et cette histoire a l'air rocambolesque. Même si elle n'est pas certaine de savoir ce que rocambolesque veut dire. Elle s'enfonce un peu plus profond en forêt, en fronçant son visage pour mieux réfléchir. Un indice. Une besace abandonnée, une bûche écrasée et des taches oranges par terre. C'est clair comme de l'eau propre. On a mangé une grosse citrouille en la posant sur cette bûche. Penchée sur le liquide orange poisseux, Charlotte dégaine sa loupe comme seule une enquêtrice professionnelle sait le faire. Elle repêche une abeille engluée pour interrogatoire, mais cette dernière s'envole en faisant un bruit de petit moteur pétardant. Comme la mobilette de papy, mais un brin plus agacé. Bizarre, bizarre tout ce bazar, se dit la petite hippopotame en continuant son chemin la besace sous le bras. La suite de l'enquête devient de plus en plus étrange. Elle suit des traces toutes rondes et profondes comme si on avait fait rebondir la citrouille. Elle fouille alors dans la besace et y trouve un livre parlant de chevaliers qui pourfendent des licornes ensorcelées. N'importe quoi ! Les licornes sont trop sympas pour être pourfendues ! Le fond du sac est rempli de miettes de pain, de dessins de chevaliers et de trois marrons encore brillants. L'affaire se complique, mais Charlotte sent que la solution ne va pas tomber du ciel. Et pour cause, une grenouille lui atterrit sur la casquette. Madame Météo n'a pourtant pas prévu d'averse grenouillère aujourd'hui. Charlotte prend délicatement le batracien qui tremble comme les fesses de papy sur sa mobilette. Tu es un genre de grenouille volante ? Non, je m'appelle Yvette et j'ai été mouchée par un éléphant. Un éléphant ? Tu dois te tromper. Non, c'était bien un éléphant et c'est lui qui m'a trompée. La grenouille prend un peu la mouche alors que d'habitude elle préfère les manger. Charlotte lui propose quand même gentiment de s'installer dans sa besace et de la ramener dans sa mare. La grenouille s'installe, pas fâchée de pouvoir un peu se reposer. Il ne faut pas longtemps à Charlotte pour trouver de nouveaux indices. Elle se penche avec sa loupe pour observer les grosses flèches tracées dans le sol. Au-dessus des flèches est écrit « Pour retrouver Arsène, suivez les flèches ». Charlotte se gratouille le menton pour réfléchir plus vite et plus fort. Puis elle demande à la grenouille. « Tu as une idée de qui peut être cet Arsène ?»« Chut ! Ne me dérange pas ! Je lis l'histoire du chevalier qui pourfend !»« Arsène, c'est un joli prénom, mais à qui peut-il bien être ?»« C'est moi ! Je m'appelle Arsène !» Il est drôlement soulagé de voir arriver les secours, même si, il faut bien le dire, une petite hippo avec un drôle de chapeau et une rainette absorbée par sa lecture ne paie pas de mine. Il expulse quand même tout son stress d'un seul souffle dans un bruit de trompette. Charlotte rigole, Arsène l'imite, Yvette bouquine. Les deux enfants se racontent leur folle aventure. Une belle amitié toute neuve se noue entre eux comme un double nœud, bien serré. Arsène se poste à côté de Charlotte et dit « Passe devant, je te suis !» L'enquêtrice sourit. Et tente de se repérer. Rien à faire. Les arbres et les cailloux se ressemblent tous. Elle ne perd pas pour autant son sourire. Arsène, mon nouvel ami, Je crois que nous sommes bel et bien perdus. Mais au moins, nous sommes perdus ensemble. Tout seul, c'est effrayant. Mais à deux, c'est une aventure. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Sibyline et Frédéric Bagirès. Racontée par Sibyline et Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. À la semaine prochaine.